Et autant je suis un homme qui n'appartient pas à l'homme, autant je suis un homme qui n'a aucun lien avec l'homme, autant je suis un homme qui ne s'intéresse absolument pas à ce que l'homme a créé. Je n'ai aucun intérêt pour ce que l'homme a créé, non pas parce que ce que l'homme a créé n'est pas beau, n'est pas grand ou n'a pas une grande histoire, mais parce que, n'étant pas de la famille de l'homme, je ne m'intéresse qu'à ce qui est de l'intelligence. Et lorsque l'homme sera dans l'intelligence, lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il reconnaîtra inévitablement que l'homme qui est dans l'intelligence, qui ne fait pas partie du temps de l'homme ou qui ne fait pas partie du fils de l'homme, ne peut aucunement s'intéresser au passé de l'humanité. Et là où les fils de l'homme ont construit et ont conçu, les fils de la lumière détruiront et reconcevront. Mais par des moyens et des méthodes totalement autres et différentes, des méthodes qui ne sont pas assujetties par la lourdeur de l'esprit de l'homme, qui exploite la matière pour introduire dans l'humanité ou dans le monde des sens des formes qui sont conditionnées par l'émotivité ou le mental de l'homme, mais ils créeront des formes qui sont assujetties à la loi de l'intelligence, c'est-à-dire des formes qui sont conditionnées par la lumière et qui ne bénéficient que les mondes de la lumière, mais qui rapportent, à cause des liens entre l'éther et la matière, des bénéfices éventuels à l'humanité. L'homme devra se détacher de tout. Et ce sont les hommes les plus grands dans l'esprit de l'intelligence qui trouveront le plus pénible ce détachement. Ceux qui ne sont pas grands dans l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas attachés tellement par l'esprit de l'intelligence, auront une plus grande facilité de se libérer du pouvoir de l'esprit de l'intelligence sur eux. C'est pour ça que le Nazaréen disait, ce sont les simples d'esprit qui entreront dans le domaine de mon Père. Ceci ne veut pas dire que ceux qui sont grands dans l'esprit de l'intelligence n'ont pas une valeur, mais ça fait partie de leur expérience. Et ça ne veut pas dire que ceux qui sont petits dans l'esprit de l'intelligence ont une plus grande valeur, ça fait partie de leur expérience. Mais ça veut dire que ceux qui sont simples d'esprit trouveront plus facile le passage d'un plan à un autre. Parce que là où il y a beaucoup d'esprit de l'intelligence, il y a automatiquement plus d'orgueil. Non pas parce que l'esprit de l'intelligence est voué à l'orgueil, mais parce qu'il y a plus d'impossibilités possibles dans l'esprit de l'intelligence. Tandis que dans l'esprit de l'intelligence qui est plus simple, les impossibilités possibles sont beaucoup moins grandes parce que il est moins possible au simple de voir loin et de voir grand. Mais lorsque celui qui est moins simple voit et voit grand, automatiquement, il se forme en lui une lueur qu'on appelle de l'orgueil. Mais l'homme en général qui est simple dans l'esprit ne se sent pas à l'aise parce qu'il est constamment entouré de gens qui sont moins simples dans l'esprit. Et comme il ne peut pas communiquer avec eux, il implore avec grande ferveur d'être dans un esprit aussi grand qu'eux. Lorsqu'en paix, il devrait replier ses ailes et s'enterrer dans sa petitesse et dormir là jusqu'au réveil. Mais on ne peut pas demander tant de choses à l'homme, parce que l'homme fonctionne par comparaison. Et pourquoi? Parce qu'il est dans l'esprit de l'intelligence. Et quelle est la grande fonction de l'esprit de l'intelligence? C'est de toujours se comparer à une autre. De là, l'échelonnage, et de là, le fait que l'humanité cherche à avoir toujours de plus en plus un grand esprit d'intelligence. Et de là son erreur. C'est pour ça que les initiés ne savent rien, ne comprennent rien, mais savent tout. Parce qu'ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit de l'intelligence. C'est pour ça que les initiés sont les plus simples des hommes, non pas parce qu'ils ne sont pas capables d'explorer ou d'exposer pour l'homme les plans de l'intelligence, mais parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence, c'est le monde de la pensée personnelle. C'est le monde de la relation entre la pensée personnelle et l'émotion personnelle. C'est le monde de la relation entre la pensée personnelle et la pensée impersonnelle, qui n'est pas connu, vu, saisi. Parce que la pensée personnelle se manifeste toujours sur l'écran de la forme, lorsque la pensée impersonnelle ne se manifeste que dans la vibration. De sorte que l'esprit de l'intelligence est beaucoup plus près de l'homme que l'intelligence de l'esprit. L'homme craint l'intelligence de l'esprit, mais il la veut. Il la craint lorsqu'elle vient à lui, parce qu'elle détruit et bouleverse son monde, qui est le monde de sa pensée. L'homme souffre quand il est dans l'intelligence de l'esprit, parce qu'il est obligé de renier l'esprit de son intelligence pour gravir des paliers plus subtils, plus élevés de la condition parfaite de l'homme, c'est-à-dire les rapports absolus entre l'homme et le surhomme. Et bien qu'ils veulent, de par l'esprit de son intelligence, accéder à ces terrains éloignés, à ces terres inconnues, lorsqu'il vit le poids de l'intelligence sur son esprit d'intelligence, il tremble, il craint. C'est pour ça que l'intelligence est très intelligente. Et c'est pour ça que l'initiation solaire de l'homme est lente et longue. Parce que l'intelligence sait protéger l'homme, mais l'homme, dans l'esprit de son intelligence, n'a aucune idée de sa protection. Comme disait Shakespeare, "Fools tread where angels fail to go." C'est quelque chose comme ça. Les fous vont là où les anges s'y refusent. Il avait raison. Et le fou de l'homme, c'est l'esprit de l'intelligence. Et l'homme est tellement habitué de vivre avec son fou qu'il en devient fou lorsque l'intelligence entre en lui. Le monde de la pensée, ce n'est pas un monde qui appartient à l'homme. L'homme n'a pas besoin du monde de la pensée. Mais comme il a grandi dans ce monde, comme ce monde s'est développé en lui et a pris son siège et s'est manifesté en puissance, lui donnant l'impression d'être, l'homme n'a pas vu ce qu'est le monde de la forme. Et ce n'est que dans l'intelligence que l'homme connaît le monde de la forme. Parce que dans le monde de la forme, il n'y a pas de forme. Mais dans l'esprit de l'intelligence, il y a le monde de la pensée et l'homme ne connaît pas la forme. Si l'homme pouvait voir la forme, il pourrait créer instantanément tout ce qu'il veut. Si l'homme pouvait voir la forme, connaissait la forme, voyait la forme avec l'intelligence, il pourrait se construire une maison simplement en le voulant. Il pourrait faire naître de la terre de l'eau. Il pourrait créer des terres. Il pourrait se monter des temples. Il pourrait voyager dans la galaxie. Il pourrait rencontrer et discuter et parler et créer avec les frères qui sont sur sa longueur d'onde. l'homme serait un dieu. Un dieu équivalent, semblable aux dieux qui sont venus dans le passé et qui ont instauré sur la terre des religions parce que l'homme n'avait pas su reconnaître que l'esprit de son intelligence était un calvaire sur lequel il ne pouvait pas voir l'infinité. S'il avait pu monter et voir l'infinité à partir du sommet de ce calvaire, il n'aurait jamais descendu dans la vallée où nous retrouvons aujourd'hui les tombes de l'histoire et des stupidités humaines. Qui sert encore à glorier, à glorifier l'intellect et glorifier l'esprit de l'intelligence. Le monde de la pensée, ce n'est pas un monde pour l'homme. Ce n'est pas un monde qui sert l'homme. C'est un monde qui a servi le pré-homme. C'est un monde qui a servi le passé, mais qui ne peut pas servir le futur. Parce que déjà dans le futur, l'homme doit exorciser de son monde matériel les conditions qu'impose le monde de la pensée, c'est-à-dire les émotions. Là où il y a pensée, il y a forcément émotion. Puisque l'homme reconnaîtra un jour que le monde de la pensée, vécu dans l'homme de la terre, est le monde des formes les plus animales qui existent dans la galaxie. L'homme reconnaîtra un jour que la pensée est un animal, et l'homme reconnaîtra un jour que le mental de l'homme est fait d'une forme dans les éthers supérieurs qui correspondent sur la terre aujourd'hui au cheval. L'homme ne sait rien. L'homme ne sait rien. Et l'homme ne saura rien tant qu'il ne sera pas capable d'accepter l'impossible, c'est-à-dire tant qu'il ne sera pas capable d'être dans l'intelligence de l'esprit. Et si nous disons aujourd'hui que les pensées de l'homme sont dans des mondes que l'homme ne connaît même pas, des formes animales, ses sentiments les plus nobles seraient travestis. C'est pour ça que nous gardons ces conversations dans le privé plutôt que de les exprimer dans un public. Bon. Alors imaginez-vous que toutes les pensées que vous vivez dans votre tête représentent des formes animales dans des mondes que vous ne pouvez même pas vous imaginer, et vous comprendrez pourquoi il y a une relation entre la technologie scientifique d'aujourd'hui, la plus grande, et la destruction. L'homme reconnaîtra un jour ce que veut dire le mot animal. Et l'homme reconnaîtra que le mot animal veut dire cette forme éthérée qui n'est pas parfaite. Et lorsque l'homme réalisera que l'esprit de l'intelligence est un monde animal inverti dans l'antimatière de la pensée, il comprendra que la nature de l'homme aujourd'hui est une nature planétaire et qu'elle n'a aucun lien avec l'impossible. Et c'est pourquoi l'homme n'a aucune idée de ce que veut dire l'infini. Lorsque l'homme pourra reconnaître, vivre, savoir, instituer des lois qui empêchent le monde de la pensée de pénétrer dans le cerveau de l'homme construira des mondes nouveaux où le mal ne pourra plus jamais exister. Autant l'homme vient de la forme, autant l'animal vient de la forme, autant la plante vient de la forme, autant le minéral vient de la forme. Mais d'où vient la forme? Où évolue la forme? Où existe-t-elle la forme? Elle n'existe pas dans l'abstrait de l'imagination de l'homme. Elle existe dans le concret réel de mondes qui sont anti-hommes et qui sont totalement en dehors de la lumière de l'intelligence. Et l'homme ose dire pourquoi ces choses n'ont jamais été connues de soi. Il est évident que pour que l'homme connaisse ces choses, il fut nécessaire qu'il y ait sur la terre au moins un peu d'intelligence. Pour qu'il y ait un début dans un cycle, pour que le cycle ancien soit aboli. Il faut qu'il y ait un but dans l'histoire de l'homme pour que le cycle ancien et les cycles qui viennent avant ce dernier n'aient plus aucune résonance dans l'esprit de l'homme et que l'homme puisse reconnaître la nécessité de fusionner avec des intelligences qui se servent de la lumière pour créer des formes, mais dont la forme est totalement en dehors de la lumière. Nous sommes sur la Terre, et je ne parle pas d'une façon générique. Je parle d'une façon universelle. Nous sommes sur la Terre ce que nous croyons que nous sommes. Lorsqu'en fait nous sommes sur la Terre que des réflexions imparfaites de pensée portent. Et nous nous amusons pendant des éternités de siècles à nous imaginer que ces pensées forment coïncide avec la perfection de leur évolution, lorsqu'en fait, nous ne créons qu'un avenir qui doit éventuellement se terminer dans l'abolition des siècles, ce qui ne peut être fait que par la puissance, le feu de l'intelligence. Et autant nous sommes attachés à la matière, autant nous pensons à la matière, Autant nous pensons, autant nous perdons le temps de notre intelligence et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous déplacer dans les terres de ce monde. L'homme est un infirme. Mais comment l'homme qui est un infirme ou comment l'homme peut-il affirmer qu'il est un infirme? Il n'ose même pas affirmer qu'il est un infirme. Il affirme qu'un jour il ne le sera pas. Mais il ne peut même pas affirmer qu'un jour il ne le sera pas. Parce que il ne connaît pas la relation entre lui-même et l'intelligence. Quel homme aujourd'hui peut affirmer que demain il ne mourra pas? Il y a un homme qui ne peut pas affirmer que demain il ne mourra pas parce qu'il ne sait pas que demain il ne mourra pas, ne peut pas affirmer que demain il ne sera pas infirme. Car sa vie sur Terre peut très bien l'amener à une condition d'évolution parallèle, semblable, bien que plus avancée à celle qu'il a connue dans la vie. Alors ce n'est que par l'intelligence que l'homme peut connaître non pas le nombre d'années qu'il puisse vivre sur un plan, mais l'infinité de son temps. C'est l'infinité de son temps qu'il doit connaître. C'est l'infinité de son esprit qu'il doit reconnaître. Et c'est dans la vibration de l'intelligence qu'il reconnaît l'infinité de son temps et l'infinité de son esprit. Et c'est tout ce dont il a de besoin. Il n'a plus besoin d'autre chose. Il n'a plus besoin de l'esprit de l'intelligence, de la curiosité, de savoir, de comprendre, puisqu'il sait, puisqu'il comprend. Nous aimons faire de la philosophie, nous aimons jouer dans le terrain de l'esprit de l'intelligence. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons peur de mourir à l'intelligence. Parce que le contact entre l'homme et l'intelligence, c'est la mort de l'homme ancien. Et l'homme ancien est très attaché à son monde. Il est très attaché à ses pensées qui constituent la mesure et la valeur de son monde, qui lui donne une approximation de son monde, qui lui permet d'évaluer son monde. Tous les gens parlent de la renaissance de l'homme. plus plausible, plus facile, plus plaisant de parler de la renaissance que de parler de la mort de l'homme. Nous employons des termes qui justifient nos accolades spirituelles et nos impressions personnelles. Pourquoi? Parce que le monde de l'esprit auquel nous sommes rattachés est impuissant à se détruire par lui-même. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans l'intelligence. Alors, nous créons autour de ce monde de l'esprit des circuits, le long desquels nous évoluons un peu plus rapidement, un peu comme des bolides qui se déchaînent sur les courses de Notre-Dame. Mais nous menant où? En cercle. L'homme doit un jour percer les barrières qui sont les limites de ce circuit et se jeter à tout être dans l'impossible. L'impossible ne convient pas au monde de l'esprit. Il ne convient pas au monde des pensées de l'homme. Il ne convient qu'à la pression extraordinaire qu'exerce sur son mental inférieur l'énergie de l'intelligence. C'est pour ça ceux qui vivent le martyre mental connaîtront l'intelligence. Ceux qui ne vivront pas ou qui ne vivront pas le martyre mental ne connaîtront jamais l'intelligence. Parce que la pénétration de l'intelligence dans l'homme, dans le monde de l'esprit de l'intelligence de l'homme, est une souffrance. Et d'autres diront, pourquoi moi je ne souffre pas? Et d'autres voudront souffrir. Ce n'est peut-être pas le temps qu'il faut attendre. Nous avons institué dans le monde de l'esprit de l'homme, dans le monde de l'esprit de l'intelligence, nous avons institué un être que nous avons appelé Dieu. Et cet être a servi de pivot à l'humanité. Il a servi de point de repère à l'humanité. Il a servi de point de repère aux émotions de l'homme, afin de permettre que le monde de la pensée de l'homme ne s'écroule pas par la puissance de ses émotions. Mais l'homme, un jour, doit reconnaître dans son intelligence qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que tant que l'homme a un Dieu, il n'est pas seul. Et l'homme doit être seul pour être un Dieu. L'homme doit être seul pour être un Dieu et tous les dieux font un Dieu parce qu'ils sont universels dans l'intelligence. Alors Dieu, c'est la totalité, ce sera la totalité de toutes les intelligences universellement réunies dans une perfection totale et absolue. C'est pourquoi Dieu n'est pas terminé. Dieu n'est pas encore. La solitude de l'homme est essentielle. est essentielle, la solitude de l'homme. L'homme doit la vivre, la solitude. Non pas la solitude qu'il s'imagine, mais cette solitude qui provient du fait qu'il ne peut plus penser qu'il n'est pas seul. Cette solitude qui ne lui permet plus de s'imaginer qu'il est seul. Cette solitude qui ne lui permet plus de penser qu'il n'est pas seul. Et lorsque l'homme a fait l'intégration totale d'être seul et de ne pas être seul, il est parfaitement équilibré dans l'intelligence. Et à ce moment-là, il connaît à la fois l'origine des choses et la fin des choses. Il connaît l'origine des choses parce qu'il est en dehors du temps de l'esprit de l'intelligence, et il connaît la fin des choses parce qu'il est en dehors de l'esprit du temps de l'intelligence. Et connaissant l'origine des choses et la fin des choses, il connaît l'alpha et l'oméga, et c'est ce que disait le Nazaréen. Et lorsque le Nazaréen disait, je suis l'alpha et l'oméga, il disait que dans l'intelligence, l'origine et la fin est connue, non pas parce qu'elle est dévoilée, mais elle est connue parce que l'intelligence est déjà dans le présent éternel de toute manifestation concernant les plans où se situent les atomes de l'univers. Ce n'est qu'à l'homme d'être dans l'intelligence pour connaître l'origine et la fin. Mais lorsqu'il connaît l'origine et la fin, il n'est plus intéressé à connaître l'origine et la fin. Il la connaît non pas parce qu'il la veut connaître, mais il la connaît parce qu'il n'a pas de choix, parce qu'il est lui-même cette origine et cette fin. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ce point, dans cette expression de l'intelligence en lui, qui est l'alpha et l'oméga, que l'homme devient l'alpha et l'oméga, et que l'homme n'a plus de point de repère dans le cosmos, qu'il est esprit. Il y a des dimensions de pensée, il y a des dimensions d'expression, il y a des dimensions du savoir, qui n'appartiennent qu'à l'intelligence. Ce n'est qu'à l'homme de pouvoir canaliser, exprimer ces dimensions pour réaliser, enfin, une fois pour toutes, que dans le cosmos, il n'y a ni de haut ni de bas, ni de début ni de fin, mais que la fin, l'origine et la fin ne sont que des aspects de sa recherche infinie pour le pouvoir. Mais ce ne sont pas des aspects psychologiques. Le début est une dimension, la fin est une autre dimension. Et ils sont reliés par des étapes infinies de progression d'énergie, d'intelligence. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution. Et même là, on reconnaît dans ces temps où nous sommes capables d'avaler l'impuissance de l'homme pour absorber la puissance de l'intelligence. Nous nous apercevons en ce moment-là que même l'évolution n'existe pas. Ce n'est qu'un reflet progressif qui imprime en soi une évaluation constante et nouvelle du rapport entre l'esprit de l'intelligence et l'intelligence. Et tant que l'homme est dans l'esprit de l'intelligence, il sera dans la progression, il sera dans l'évolution. Et lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il sera en dehors de l'évolution, parce que la relation entre l'esprit de l'intelligence et celle de l'intelligence, la relation entre les deux sera résolue. Et lorsque la relation entre l'esprit de l'intelligence et l'intelligence sont résolues, il n'y a plus de temps dans l'esprit de l'homme, et lorsqu'il n'y a plus de temps dans l'esprit de l'homme, il n'y a plus d'évolution. Les mystères de la pensée, les mystères de la vie, les mystères de la conception, les mystères de la question, les mystères de la réponse doivent être connus de l'homme, mais ils ne peuvent pas être connus dans l'infinité de leur manifestation. Ils ne peuvent être connus que dans l'absence totale de leur réalité. Et l'absence totale de la réalité se fait connaître lorsque l'homme est en dehors du monde de l'esprit, c'est-à-dire que lorsque l'homme est en dehors de l'esprit de l'intelligence. C'est pour ça que l'homme connaît à ce moment-là le grand vide qui est plein. Je t'en ai parlé. Puisque on est dans le domaine de l'esprit d'intelligence, je voudrais expliquer la fonction de la raison. Qu'est-ce que c'est de la raison en relation avec l'esprit d'intelligence? Quand je vous parle comme ça, quand je vous parle pendant des longues périodes de temps, c'est pas important ce que je vous dis. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais plus je vais avancer dans le temps, plus il faut que vous vous habituiez à pas vous occuper de ce que je dis. Parce qu'il va venir un point où ce que je dis, ça se comprend pas. Ça se sait, mais ça se comprend pas. Mais d'un autre côté, je le dis parce que je me sers de certains sujets, n'importe quel sujet, je peux parler de n'importe quel sujet, pour changer les vibrations de votre mental inférieur. C'est pour ça que je vous parle. Habituellement, si je prends des sujets qui ne sont pas résolvables au niveau de la raison, au niveau de l'intellect, mais à ce moment-là, ça fait plus de travail que si je vous parle de certaines choses qui peuvent être analysées ou perçues ou précisées dans votre esprit au niveau de l'expérience. Quand je parle de psychologiquement. Quand je parle pas psychologie, que je parle simplement des mécanismes de l'esprit, de l'intelligence, à ce moment-là, il ne s'agit pas de penser à ces affaires-là. Le fait que j'en parle, ça fait ce que ça doit faire. Et ça qui part. Sans ça, vous allez vous dérouter, premier. Pour sortir de l'esprit d'intelligence puis rentrer dans l'intelligence, il faut apprendre deux règles. Il faut apprendre d'abord que la raison n'a aucun issue dans la vie de l'intelligence. Dans la vie de l'esprit d'intelligence, la raison semble avoir une issue parce que la raison, c'est le mécanisme qui permet à l'esprit de l'intelligence de se développer un peu comme un tape de computer. Plus tu développes, plus tu vois, plus tu enregistres d'informations. Et ça permet d'organiser cette information-là à ta volonté, selon ton bon désir, selon ton point de vue, selon ce que tu veux que cette information-là te donne. Mais la raison en elle-même n'a aucune valeur en relation avec l'intelligence parce que la raison est un mode d'opération de l'esprit d'intelligence qui est contrôlé par l'intelligence de l'esprit. Mais sous le voile de la pensée égocentrique de l'homme. L'organisation rationnelle de la pensée subjective est toujours opérée, si vous voulez, par l'intelligence de l'esprit, mais toujours sous le voile de l'intelligence. De sorte que la raison ne peut jamais être intelligente, mais la raison provient toujours de l'intelligence de l'esprit. Quand l'homme va de l'intelligence de l'esprit à l'intelligence, l'homme apprend lentement, graduellement, au cours des années, à ne pas s'occuper de sa raison, à simplement se fier à l'intelligence de la raison. Il y a une différence entre les deux. Quand on parle de se fier à l'intelligence de la raison, on parle de se fier à soi-même, c'est-à-dire de se fier à la façon dont est enregistrée en soi-même l'intelligence de l'esprit. Tandis que se fier à la raison nous met dans une situation, dans un cul-de-sac, où on est pris en sandwich entre l'intelligence de l'esprit et l'esprit de l'intelligence. De sorte que nous autres, on se fatigue énormément et on perd énormément au niveau du corps mental et automatiquement, cette énergie qu'on perd, qui nous affecte émotivement et mentalement, nous empêche de construire un corps mental supérieur qui peut servir à absorber l'énergie de l'intelligence de l'esprit. Et c'est ça qui nous empêche d'être intelligents. La raison, c'est bon pour l'homme quand il est dans le domaine de l'intelligence de l'esprit ou quand il est inconscient ou quand il commence à aller vers la conscience. Mais à un certain moment, l'homme doit cesser de s'interroger sur la valeur de sa raison et doit cesser de chercher la raison dans l'intelligence de son esprit. Parce que s'il cherche la raison dans l'intelligence de son esprit, il perd automatiquement la capacité d'intégrer l'intelligence de son esprit avec l'esprit de son intelligence, de sorte qu'il est tout séparé en deux. Il n'est jamais sûr s'il fait la bonne chose et s'il ne fait pas la bonne chose. Il est tout pogné en deux feux. Il est tout comme une sorte d'inquiétude, il est tout une sorte d'incertitude qui se place en lui. Et c'est ça qui l'empêche d'être sûr. Puis, n'étant pas capable d'être sûr à cause du fait qu'il se fie à la raison, automatiquement, il est incapable de percevoir l'énergie de l'intelligence et il est incapable d'être intelligent. La raison, c'est bon pour l'homme parce que ça lui sert à un certain niveau d'évolution, mais à un autre niveau d'évolution, la raison est totalement détrimentale à son accession à l'intelligence. Parce que la raison, elle est créée, elle est constituée, elle est établie, elle est montée de toutes pièces mécaniquement par l'agencement des pensées qui, elles aussi, sont organisées en vertu ou en fonction de l'émotivité de l'homme et de l'intellect de l'homme par l'intelligence de l'esprit. Mais puisque l'homme vit dans l'esprit de l'intelligence et que sa raison est déjà organisée selon son tempérament et son caractère par l'intelligence de l'esprit, il est évident que la raison n'a aucune place dans son intelligence et qu'au niveau de l'esprit d'intelligence, cette raison-là est simplement une force retardataire qui l'empêche d'entrer trop vite dans l'intelligence. La fonction de la raison, dans le fond, c'est d'empêcher l'homme de devenir trop fin trop vite. Et l'homme pense que la raison, c'est la chose qui l'amène à la finesse. Lorsqu'en fait, la raison est un mécanisme par l'intelligence de l'esprit pour empêcher l'esprit d'intelligence d'arriver trop vite à un déblocage sur l'intelligence, autrement dit, ça empêche l'homme d'en arriver à une intelligence pure, et l'homme, étant inconscient de ce mécanisme-là, pense que la raison est effectivement de l'intelligence lorsqu'en fait, la raison est un blocage de l'intelligence. Alors, l'homme commence, on lui explique, on dit, bon, mais tu dois commencer à sentir, à fonctionner vibratoirement, puis l'homme fait l'erreur de penser que s'il suit ses vibrations, il sort de la raison pour entrer dans l'intelligence. Et effectivement, c'est pas ça qui se produit. C'est qu'il met de côté temporairement sa raison pour absorber simplement l'énergie de l'intelligence, mais comme il est déjà dans la raison, et qu'il absorbe l'intelligence de l'énergie de l'intelligence, il ne peut pas faire les deux choses à la fois. Fait qu'automatiquement, éventuellement, il va raisonner son action et il va dire que la raison de son action a été conditionnée par l'intelligence, lorsqu'en effet, la raison de son action est simplement l'arrière-fonction de l'esprit de son intelligence sous le regard de l'intelligence, pour toujours maintenir en lui la raison vivante, mais un peu moins imposante sur son esprit. Est-ce que comprends-tu ça? Ça sent. Ça se comprend. La raison, naturellement, elle peut être très belle, elle peut être très raffinée, et ainsi de suite, parce que l'esprit d'intelligence peut être très raffiné. Mais l'intelligence de l'esprit est pas raffinée. Il n'y a pas de raffinement dans l'intelligence de l'esprit. Il y a simplement du pouvoir. Et le pouvoir de l'intelligence de l'esprit devient, aux yeux de la raison, qui peut être raffinée, un plus grand raffinement, simplement parce que l'intelligence de l'esprit ne joue pas le jeu de l'esprit d'intelligence. C'est le fait que je joue pas le jeu de l'esprit d'intelligence qui fait que je apparais à vous autres comme étant raffiné. C'est pas parce que l'intelligence est raffinée. Puisque l'intelligence est créative, elle peut pas être raffinée. Puisque être raffiné, ça implique automatiquement une sorte de progression vers la perfection. Et déjà, l'intelligence est parfaite. Alors, il peut pas y avoir de raffinement dans l'intelligence. C'est pour ça que des fois, je peux être extrêmement grossier, comme des fois, je peux être extrêmement raffiné. Autrement dit, l'intelligence crée la grossièreté ou le raffinement selon la besoin de la cause. Elle crée les conditions du mouvement d'elle-même sur le plan humain selon les conditions de la cause, c'est-à-dire selon ce qu'elle doit faire en relation avec la raison, selon ce qu'elle doit faire en relation avec l'émotion, selon ce qu'elle doit faire en relation avec le mental inférieur. De sorte que l'intelligence se fout complètement d'être infinie ou d'être grossière. Elle se sert simplement de la forme pour créer des chocs à la raison, pour créer des chocs à l'émotif ou au mental de l'homme, pour l'amener éventuellement à se désintoxiquer de la raison et automatiquement s'amener petit à petit à lâcher prise sur la forme de la pensée pour qu'il en arrive éventuellement à l'intelligence. Alors, la fonction de la raison dans l'homme, c'est une fonction essentielle dans l'évolution de l'homme, c'est une fonction essentielle au cours dans les siècles passés qui a permis à l'intelligence de contrôler l'évolution du mental humain pour l'expérience de l'homme. Mais la fonction de la raison n'est pas une fonction qui est prédéterminée pour le, comme étant bénéficiaire à l'homme. Elle est prédéterminée comme étant bénéficiaire aux nécessités évolutives de l'homme. Et l'homme en a bénéficié secondairement par le fait que l'homme a développé une science ou des sciences parallèles à ses nécessités sociales ou historiques. Et lorsque l'homme entre dans l'intelligence pure et qu'il n'est plus conditionné par ses pensées, et qu'il n'a plus le pouvoir de sa raison parce qu'il ne peut plus penser, à ce moment-là, le raisonnable de l'intelligence peut s'imposer sur l'apparence d'une raison aux yeux des hommes, lui permettant en tant qu'homme intelligent de se mouler, de se fixer, de se superimposer, d'apparaître anonyme dans une société d'hommes. Et c'est ainsi que l'intelligence infiltre le monde de l'âme.